Yeah. 9-5 représente gros. C'est ça. Je guette à l'horizon et philosophe sur ma vie. Le bien, le mal, quel casse nos envies. Pourquoi j'ai mal, qui je suis, où l'on va. On est pour mourir, pourquoi, pourquoi tant de peine et si peu de joie. Tu sais moi, j'ai jamais eu la foi. Et plein de fois, j'ai pas avoué les lois. Ma foi à l'époque, j'aimais ça. Être au-dessus de toi, tu me voulais, mais tu ne m'attrapais pas. On jouait à chat, mais la souris, c'était toi. On visait qui, toi, on niquait qui, toi. Tu nous as pris pour qui, toi. À l'époque, je voulais être le roi. L'ambition était ma foi, j'avançais vers où je ne savais pas. Tout d'un leur doigt m'a pris dans ses bras, m'a fait les poches, m'a dit casse-toi. La haine se calme, le bouffé, j'ai la dame. Alors les plans se préparent, les fugitifs démarrent. Même Choumi arrive en retard, les rampants en avaient marre. Je voulais être riche, mais je devenais un clochard. Chat, le vice s'empare de moi. Tu sais, j'ai mal, mais remonter la pente est plus fort que moi. Le mal en moi sort, je deviens hardcore. Je rêve de m'en sortir, où est la porte. Je rêve de réussir, même quand on m'escorte. Tu vois ce que je veux dire, gros. Même si la mort me fait pâlir, je deviendrai plus fort. C'est qu'une question de temps et d'effort. Après l'effort, le réconfort, on est d'accord. Je ne veux pas mourir pour rien. Mourir en vain, j'ai plus de vin et rêve d'un lendemain bon et serein. Pas finir les pieds devant dans un souterrain. Tout ça pour une galaxie, non merci. On n'est pas plus fort que la mort, l'ami. Même l'amour, l'ami. C'est la mort ou la vie choisie. Mais fais deux spies, car ici c'est la folie. Tu sors d'un trou pour y retourner. Univers et destiné, je laisse une trace avant d'y passer. Faut y penser, après la vie, la mort, l'ami. Pense-y, la mort ou la vie. Les questions qu'on se pose, on les vit. Qu'est-ce qu'on fout ici? Pourquoi le diable nous tente tandis que Dieu nous plante? 9-5 représente, riche ou pas. Des forts, y'a ça. Des morts, y'a ça. Des porcs, y'a ça. Des mecs à fort, il n'y a que ça. T'arrêtes pas, car le temps continue. S'il arrive avant toi, tu l'attends, cul. Aïe, la vie est dure. J'balance mon freestyle pourvu que ça dure.